Se rejoignent, c'est pas la peur de l'inconnu, ni la rage animale. Aujourd'hui, demain et dans 1000 ans, le pouvoir s'affaissera. Peu importe le moment, tant qu'on ne le lâche pas, et l'on se retrouvera dans la rue. Nos pasaran, on vaincra la vaincue. Nos pasaran, on fêtera d'avoir vécu. Nos pasaran, heureux d'avoir défendu la libertad. On nous dit terroriste, nos idées ne plaisent pas. Toujours mieux qu'économiste, au moins on ne vous baisse pas. Les pensées anarchistes, qu'on ne les taise pas. Elles préservent l'avenir, elles ne nous blessent pas. On se retrouvera dans la rue. Nos pasaran, on vaincra la vaincue. Nos pasaran, fêtera d'avoir vécu. Nos pasaran, heureux d'avoir défendu la libertad. Force d'opposition utilise la raison. Ce recul des nations préviennent la corruption. Sans nous, nulle solidarité. Sans nous, nulle alternative. Quand nous serons légitimés, ils seront enfin terroristes. Et l'on se retrouvera dans la rue. Nos pasaran, on vaincra la vaincue. Nos pasaran, fêtera d'avoir vécu ensemble. Nos pasaran, heureux d'avoir défendu une fois de plus la liberté.